Cours numéro 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. On a commencé dans le cours précédent l'étude de cette risala al-mukhtasar al-nafi'a aqidatu ahli l'islam fima yajib lil-imam de al-shaykh al-doktour Abdussalam ibn Barjis rahmatullah alayhi. Et on avait lu l'introduction sur l'importance de connaître ce sujet. Et vu que ce sujet, il est très très important, encore plus cette époque de fitna, فلي هذا étudier مثل هذا الكتاب c'est مهم جدا. قال الفصل الأول, premier chapitre, في وجوب نصب الإمام وحكمة الشرع في وجوب نصبه وذكر فضائله. Dans ce fasl, dans ce chapitre, il a cité plusieurs points. Le premier point, wujub nasb al-imam, est l'obligation d'avoir un imam, un dirigeant, un gouverneur. Il avait une communauté ou un pays, à notre époque c'est par pays, sans gouverneur, là ce pays sera exposé à beaucoup de dharar, à beaucoup de méfaits. Hikmat al-shara fi wujub nasb, la sagesse, il va citer plusieurs sagesses. Pourquoi c'est essentiel, c'est important que chaque communauté, chaque peuple, ils ont un dirigeant, un gouverneur. Ou dhikr fada'ilihi, kadhalik les mérites des dirigeants, des gouverneurs. Qala rahimahullah, al-imam huwa imam ar-ra'iyya yusamma khalifatan aw amir al-mu'minin aw al-malik aw al-amir wa nahwa dhalika min al-alfaz. Al-imam lughatan, c'est un guide. Falihada, celui qui dirige la salat, on l'appelle imam. إنما جعل الإمام ليتم به هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام dans la salat جعل, il a été instauré pour être suivi. Ça nous montre que l'imam c'est un guide, une personne qu'on doit suivre. فلهذا le gouverneur il est appelé imam. لماذا لأنه c'est un guide et son peuple ils doivent le suivre. ويسمى خليفة, خليفة comme الخلفاء الراشدين Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, radiyallahu anhum. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala alaykum bis-sunnati was-sunnati al-khulafa. Al-umara, les dirigeants, les guides qui seront après moi. Qala aw amir al-mu'minin. Et le premier qui a été appelé amir al-mu'minin, c'était Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Wa ishtuhira bi hadha, hatta c'est devenu un surnom. Amir al-mu'minin, quand tu entends hadha, tu penses كثيرا عمر رضي الله عنه او الملك الملك لو روا او الامير نعم على كل حال tous ces mots c'est pour désigner le gouverneur le dirigeant ونحو ذلك من الالفاظ كذلك à notre époque الرئيس le président كذلك الولي كما جاء في القران يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم donc الولي. Et d'autres alfad. À la kulli hal, tant que c'est une personne qui me parle, elle te tufid bi anna hada ar-rajul. Ça nous montre, هذه اللفظة elle est importante, anna hada al-mansib, il est réservé qu'aux hommes. La yuflihu qawmun wallaw amrahum imra'a. Hakada qal an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Un peuple qui désigne une femme comme dirigeant, comme reine, comme présidente, فهؤلاء لا يفلحون. Ça c'est حكم النبي صلى الله عليه وسلم, ils ne réussiront pas. Ça nous montre أن هذا المنصب, cette place, elle est réservée aux hommes. قال تفيد بأن هذا الرجل له رئاسة تامة وزعامة تتعلق بالمسلمين فيما يصلح الدين والدنيا. نعم, هذا c'est معروف عند الجميع. أي cet homme qui a autorité sur les autres, qui est considéré comme le chef, comme le guide, comme le responsable, voilà, qu'on l'appelle roi, président, amir, ou khalifa ou autre. Enfin, alhamdoulilah, tout ce qu'on va citer, c'est applicable sur cet homme. Aymin al-sam'u wa ta'a, etc. Qala fal imamatu al-uzma هي خلافة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته لحراسة الدين والسياسة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلى الإمامة العظمى. La meilleure créature عليه الصلاة والسلام. Le meilleur des hommes, le meilleur des prophètes. min babi awla, le meilleur amir, le meilleur khalifa qu'il y a jamais eu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال وقد ورد ذكر الإمام بهذا المعنى في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. نعم فدانس حديث النبي صلى الله عليه وسلم il l'appelait imam. فالإمام الذي على الناس أي le dirigeant. Donc, il est responsable et il sera interrogé sur cette responsabilité. Al-Hadith, al-Bukhari wa Muslim, fi sahihayhima wa al-lafdhu lil-Bukhari. Donc, il a cité ce hadith pour montrer un lafdh al-imam, et le mot imam, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a cité, et pour désigner le gouverneur. Qal wa sammah, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, amiran. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kadalik, il a appelé le gouverneur, le dirigeant, amir. قال كما في أحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي سبق حيث رواه البخاري أيضا بلفظ كلكم راع فمسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم. Donc ça c'est une faïda. On a dans une riwaya de l'imam al-Bukhari à la place de imam فالإمام الذي على الناس dans une autre riwaya فالأمير الذي على الناس. نعم donc imam ou amir. قال ويسمى الملك قال تعالى وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. Donc dans ce verset قال عز وجل وآتاه الله الملك. Donc داود c'était un ملك, c'était un roi. وقال صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من شاء خلافة النبوة 30 سنة. تأمل أن هذه الخلافة النبي صلى الله عليه وسلم قيدها بالنبوة كم سيتي dans l'autre حديث عليكم بالسنة والسنة الخلفاء. سنة الخلفاء هنا خلافة النبوة فخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما جاء في حديث سفينة أن si tu calcules les années un peu moins de 3 ans pour Abu Bakr, 10 ans pour Omar, 12 ans pour Uthman, 6 ans pour Ali, tu verras que avec les mois, ça fera hadhihi al-thalathoun, 30 sana. Thumma yu'ti Allah al-mulk aw mulkahu man sha'a. N'am, et après khilafat ha'ula as-sahaba radiyallahu anhum, juste après al-mulk. C'est pour ça que Muawiyah il est considéré comme le premier roi. Il est considéré comme Afdal al-Muluk, radiyallahu anhu. Limadha li'annahu, c'est le premier roi de cette communauté, c'est un compagnon. Sahabi Jalil, radiyallahu ta'ala anhu. Thumma, qala, aw mulkahu man yasha. Na'am. Thumma, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le mulk, et jusqu'à aujourd'hui, à qui il veut. Qala, akhrajahu Abu Dawud, wa ghayruhu an Sa'id ibn Jahman, عن سفينة رضي الله عنه. نعم إلا سيتي هنا الصحابي. قال ويسمى الخليفة كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم وستكون خلفاء فتكثر قالوا فما تأمرنا قال صلى الله عليه وسلم فو بضم الفاء. دمع نسخنا يا une erreur أن فو c'est un فعل أمر c'est un ordre. Il est collé à قوله ببيعة. Il est collé et ربما إذا لم تنتبه تقعد جمال عليها. فcorrigez si vous avez cette erreur. Mettez une dhamma sur le fa حتى vous lisez correctement فعل الأمر فو ببيعة الأول. Donc c'est un mot à part. قال صلى الله عليه وسلم فو ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم أخرجه البخاري. Tous ces hadiths, ça t'a-t-il ma'ana, incha'Allah, wa illa huna, il les a cités, al-Shaykh, rahimahullah, faqat pour montrer an ces mots, ils ont été employés par un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça t'a koun khulafa. Donc un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a employé ce mot pour désigner les guides, les gouverneurs. Qala akhrajahu al-Bukhari wa muslim fi sahihayhima an Abi Hurayrata radiyallahu anhu, فإطلاق الخليفة عليه جائز لهذا الحديث ولغيره، وإن كان لفظ الخلافة يطلق في الغالب على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لكمال عدلهم، ويلحق ويلحق بهم من هو مثلهم، مثلهم أي كي سويفي لوغ فوا، وإلا اون فيني سا فراز من هو مثلهم كعمر بن عبد العزيز رحمه الله، مثلهم أي كي سويفي لوغ فوا رضي رحمة الله عليه، وإلا فعمر بن عبد العزيز c'était pas un compagnon. Et là, chaque année, ceux qui sont venus après les compagnons, ils sont pas comme eux, fil fond. لكن هنا قولهم مثلهم أي كي سويفي لوغ فوا رحمة الله عليه. حتى لقب بالخليفة الخامس، حتى certains l'ont appelé le cinquième calife. لكن خليفة الأربعة أي les quatre califes كما جاء في الحديث قيدت بالنبوة خلافة النبوة. أما أطر كأو فلا سبا من خلافة النبوة رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال donc ce premier فصل أو ce premier point plutôt pour montrer أن الإمام dans les textes il est désigné par plusieurs noms. Ça peut être لفظ إمام، un imam، un khalifa، un amir، un roi ou autre، tant qu'il a cette autorité sur les autres. Même si ce n'est pas cité dans les textes, maintenant le président. Le président dans tel pays musulman. Il a autorité sur son peuple, c'est un gouverneur, et il a tous ses hukuk. Il a des droits, il a des devoirs qu'on va étudier dans cette risale. قال فصل وهذا الإمام واجب نصبه على المسلمين لأن الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على نصب الإمام قبل الاشتغال بدفن جسمه الطاهر الشريف صلى الله عليه وسلم، فعملهم هذا دليل قاطع على أن نصب الإمام من أهم الواجبات. Donc هذا الإمام، ce gouverneur، c'est une obligation de l'instaurer. Et c'est interdit que la umma, la communauté، أو de nos jours c'est une communauté laquelle divisée en plusieurs pays. C'est interdit qu'un pays ou la communauté entière elle reste sans gouverneur. Limada, il a cité هذا الدليل رحمه الله عليه. Limada لأن كنت النبي صلى الله عليه وسلم il est mort. Il a chaque année c'était Amir al-Mu'minin. C'était l'imam al-A'zam عليه الصلاة والسلام. Quand il est mort, الصحابة رضي الله عنهم avant de l'enterrer. Alors que enterrer un mort, c'est une obligation. Et on doit se précipiter. Encore plus avec un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes. Les Sahaba radiyallahu anhum, ils n'ont pas enterré un Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'après avoir fait al-bay'a et désigné Abu Bakr radiyallahu anhum. Limada li anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, il n'a pas désigné un khalifa, clairement. لكن لا شك أن dans plusieurs hadith il a montré que celui qui méritait après lui c'était Abu Bakr. كما جاء في الحديث أن une femme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anha, elle est venue voir النبي sallallahu alayhi wa sallam, elle a demandé au prophète عليه الصلاة والسلام une chose. النبي صلى الله عليه وسلم lui a dit repasse l'année prochaine. Elle lui a dit ya Rasulallah, si je ne te trouve pas. Il lui a dit si tu ne me trouves pas tu iras voir Abu Bakr. العلماء قالوا أن هذا سين إشارة، هذا سين إشارة، سين سين أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى شوازي أبو بكر ولا شك. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم quand il est tombé malade à la fin de sa vie il a désigné comme imam Abu Bakr. ولا شك أن خاصة à leur époque comme on a vu hier dans la biographie de Omar رضي الله تعالى عنه أن الإمام le gouverneur c'était lui qui faisait الصلاة. فلهذا عمر رضي الله عنه quand il a été tué c'était lui qui faisait imam في المدينة quand il a été poignardé رضي الله عنه. على كل حال tout cela c'est des adillah qui prouvent أن celui qui méritait après النبي صلى الله عليه وسلم c'était Abu Bakr. فلهذا أجمع الصحابة l'unanimité des compagnons ils ont choisi tous ils ont choisi Abu Bakr et lui ont fait al-bay'a. على كل حال avant de prêter allégeance à Abu Bakr ou plutôt ils n'ont pas enterré النبي صلى الله عليه وسلم qu'après avoir prêté allégeance أبو بكر. فهذا قال فعملهم هذا دليل قاطع c'est une preuve claire authentique أن نصب الإمام من أهم الواجبات. لماذا؟ لأنه ça serait pas obligatoire. Ça ne serait pas important, ils auraient enterré un Nabi sallallahu alayhi wa sallam directement. Lakin, s'ils ont attendu pour prêter allégeance, c'est que c'était un wajib azim, c'était une énorme obligation qu'ils ont remplie, radiyallahu anhum ajma'in. قال وبناء على هذا العمل من الصحابة رضي الله عنهم جاء إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يخرج عن هذا الإجماع أحد ممن يعتد به حكى هذا الإجماع أبو الحسن الماوردي إلى سيتي لي ريفيرونس في الحاشية دون لا نوت دو بات باج في الأحكام السلطانية والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن أي تفسير القرطبي والنووي في شرح لصحيح مسلم وغيرهم نعم سبساك العلماء ils ont rapporté الإجماع l'unanimité que c'est une obligation d'instaurer d'avoir un gouverneur un imam قال ومن هنا قال العلماء رحمهم الله أن نصب الإمام فرض كفاية c'est une obligation فرض كفاية أي une partie de la communauté doivent s'en occuper لابد قال فإن سألت أيها المسلم عن حكمة الشارع الحكيم في إلزام الناس بنصب الإمام قلت إن الحكم في هذا التشريع ترجع إلى أمرين On peut se poser la question les sagesses, les hikmah Pourquoi c'est une obligation C'est quoi le but Et ça c'est très très important pour comprendre tout le livre بل pour comprendre ce sujet concernant les gouverneurs لأن كثيرا من الناس Ils ne donnent pas d'importance à ce sujet. On critique les gouverneurs musulmans. Les anoum, ils n'ont pas compris ce point. Ils pensent que le critiquer, c'est du courage. Certains, ils pensent que quand on appelle à obéir au gouverneur, ou le gouverneur, il te finance. Ou tu n'as pas de courage. Les anoum, ils n'ont pas compris ces points. L'ilm, C'est fondé sur ce genre de base. Et parmi les bases essentielles dans notre din, c'est ce qu'il a cité, rahimahullah. قال rahimahullah, أن الحكم, les sagesses في هذا التشريع, et sur le fait d'instaurer obligatoirement un gouverneur pour la communauté, ترجع إلى أمرين. Ça revient à deux points. الأول قال تحقيق مصالح الدين والدنيا. Avec ce gouverneur, tu pourras mettre en pratique ton din Et كذلك tu pourras travailler concernant dunya. وإلا قال le deuxième دفع المفاسد عن الدين والدنيا. Le deuxième point c'est pour repousser المفاسد les méfaits concernant ton din ta religion et ce bas monde. اسمع كلام أهل العلم. قال وفي ذلك يقول الشيخ العز ابن عبد السلام رحمه الله. إلى أن قال قواعد الأحكام في إصلاح الأنام. قال ولولا نصب الإمام الأعظم لفاتت المصالح الشاملة وتحققت المفاسد العامة ولستولى القوي على الضعيف والدني على الشريف انتهى كل عاقل comprend هذا s'il n'y aurait pas de gouverneur et on peut prendre l'exemple dans certains pays ils se sont rebellés contre le gouverneur et à un moment donné il n'y avait plus de gouverneur qu'est-ce qui s'est passé exactement ce que Al-Izz ibn Abd al-Salam il a cité لستولى القوي على الضعيف اي le plus fort il va prendre le dessus sur le plus faible والله dans certains pays où il y a eu la rébellion où il n'y avait plus de gouverneur بعض الناس ils sont rentrés chez les autres chez certains qui étaient faibles et ils les ont fait sortir de chez eux بعض الناس ils ont perdu leur voiture بعض الناس ils ont perdu leur argent لماذا لان il y a plus le amir il y a plus le gouverneur avec son autorité avec la police, avec l'armée, pour rétablir l'ordre. فَفِي هَذَا الْحَالِ Qu'est-ce qui se passe ? الْقَوِي Le fort, il mange le faible. قَالَ وَالدَّنِي عَلَى الشَّرِفِ الَّذِي لَا يَخَافَ اللَّهِ Il se permet tout. فِي هَذَا الْحَالِ Donc ça, c'est une hikma azim qu'on ne doit pas négliger. قَالَ وَشَرْحُ ذَلِكَ Cheikh Abdus Salam, il va expliquer هذا. أَنَّ أكثر بني آدم طبعوا على عدم الإنصاف وحب الانتصاف فلو لم يكن عليهم سلطان يسوس أمورهم لكانوا كوحوش الغابة حيتان البحر يأكل القوي الضعيف Let's go, il est fait comme ça. Il y a un moyen pour se maintenir, pour se contrôler, c'est الدين والعلم والإيمان. la foi avec la science, avec la mise en application, même s'il n'y a plus de gouverneur, tu peux te contrôler, te maîtriser et te comporter avec les autres, avec « qala Allah, qala Rasul ». Tu ne commettras pas d'injustice, tu ne voleras pas, etc. Même s'il n'y a pas de gouverneur. Vu que Akhtar al-Nas, ils sont attirés par « dunya kama qala », s'il n'y a plus de gouverneur pour imposer des règles, ça deviendrait comme des animaux. Al-Ghaba, c'est la forêt, la jungle. Et c'est ce qui est arrivé dans certains pays. Et c'est ce qui arrive dans certains pays où les gens ne respectent pas les autorités. Tu te trouves dans certains pays, dans certains quartiers, des jeunes, ils ne donnent plus aucune importance aux autorités. Les malades, ils n'ont pas été éduqués avec ce respect, comme fait Bard Bouldan al-Kufr. Tu trouves, ils n'ont aucun respect pour les autorités. Enfin, le fort, il mange le faible. En pleine rue, hakada. Ils lui prennent tout. Ayyadam billah. Fait Bilad al-Muslim, même s'il y a min hada shar, lakin les gens, ils ont un peu plus, walillahi alhamd, de respect pour les autorités. Et tu le vois, hada, le lien qu'ils ont, la relation qu'ils ont avec la police. Tu trouves, fait Bilad al-Muslim, il y a al-ihtiram. Amma fi ba'd buldan al-kufr fa na'oudou billah. Limada li'annahum, ils ont négligé ce point. C'est pour ça que certains pays, certains quartiers, certains endroits, c'est devenu exactement comme Cheikh Abd Salam il a cité. C'est comme si tu étais fil Ghaba, c'est comme si tu étais au milieu de la forêt, au milieu de la jungle. Qala hitan al-bahr kadhalik, c'est comme les poissons dans l'océan. Le fort, il mange le plus faible. Qala ya'kul al-qawi adh-dha'if. وانظر إلى هذه الصورة في المجتمع الجاهلي الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتطهيره من الشرك فإنه مجتمع فوضوي لا قائد له ولا يؤمن أحد من أفراده بمبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر إلى ست exemple طيب كذلك المجتمع الجاهلي أي avant l'islam المشركون comment ils vivaient, ils n'avaient pas ces règles, c'était des guerres quotidiennes. C'était des affrontements, le fort, il prenait le dessus sur le faible, des injustices. Iyadam billah. Qala fa kana natijatu dhalik intishar al-qatl was-salb. C'est pour ça qu'à leur époque, il y avait beaucoup de meurtres. As-salb, c'est le fait de prendre les biens d'un autre. Qala wa dhuyu' al-khawf. Kadhalik, la peur, elle se propageait. Qala wa nushub al-hurub al-tahina ala atfahi al-asbab wa dhaya' al-huquq. Kadhalik, hurub tahina. Des guerres extrêmement sanglante à la atfah al-asbab. Wallahi, pour des causes futiles. Exactement comme il se passe dans certains quartiers. Vous avez remarqué, il y a certains jeunes, ils s'entretuent les mal. Il y en a, ils vivent dans certains pays où l'autorité elle est faible. Hum aslan, ils ne respectent pas cette autorité. Ils n'ont plus aucune règle. Quel wahouch ! Des injustices. Rien, tu trouves deux groupes qui s'affrontent. Quand tu viens à regarder la cause, à rechercher la cause, c'était pour un simple regard. Ayyadam billah. La faiblesse est shaitan. Et ce genre de principes qui sont négligés. Le respect des autorités. Qala li hadhihi al-mafsada ou li hadhihi al-mafasid al-idham. Shaddada an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala amr al-bay'ati lil-imam al-muslim al-qa'im wa ja'ala man mat min al-muslimin wa laysa fi 'unuqihi bay'a mat mitatan jahiliyah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup insisté. L'importance d'avoir un guide, d'un imam. Ça, c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال à celui qui ne prête pas allégeance à son imam, à son gouverneur, mata mitat jahiliya. Il mourra comme ceux qui sont morts fil jahiliya. Et il est mal, pas parce que c'est un kafir là, parce qu'il a suivi les pas de haoula. C'est exactement ce qu'il faisait al-jahiliyoun. قال فربط صلى الله عليه وسلم بين هذا المر وبين أهل الجاهلية لأنه شبههم في هذه الخصلة المقيتة وبئس المصير. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال مورا كومو لماذا لأنه il leur a ressemblé. Après هذا الكلام, qui c'est qui veut le bien pour l'umma الآن? Est-ce que c'est المسلم السني السلفي qui appelle à obéir au gouverneur, même si ce gouverneur il a des manquements, même si ce gouverneur il fait des péchés, tant que ça reste un musulman et son autorité, wallillahi alhamd, elle est présente dans le pays, c'est un énorme bien pour tout le monde. Amma ahlul bid'a wal juhal wal dhullal min al ikhwan al muslimin khassa, c'est eux qui appellent kathiran à se révolter. Wa'lamu anna même les groupes qui passent à l'action comme al qaida il y a quelques années, comme les ignorants de Daesh à notre époque. La source, c'est l'Ikhwan al-Muslimoun. C'est eux qui khattat. Mais les autres, c'est des sauveurs. Ta'ishoun qui passent à l'action, ils s'en font du mal et ils font du mal aux autres. Mais aslou shor, ça vient de l'Ikhwan al-Muslimoun. Est-ce qu'ils veulent le bien pour la Umma? On a un exemple qu'on a tous vu, on a vécu, pour certains, Arabi ou l'Arabi, le printemps arabe. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Vu que ces notions, ces bases, elles ont été négligées, ben, ils se sont rebellés contre les autorités. Beaucoup de masalih, beaucoup de profits que les musulmans ils avaient dans ces pays, elles ont disparu. Appliquer son dîn sereinement, en paix, pouvoir aller au travail tranquillement, pouvoir laisser sa famille chez soi, laisser ses biens. Tout ça, dans certains endroits, ils ne peuvent plus, ils sont fiqh ou chadid. Et des mafasid adhim, des meurtres, des viols, des vols, etc. L'insécurité permanente. Alors qu'avant ces rébellions, il y avait des manquements, il n'y a aucun doute. Lakin wallahi anna halahum, il était ahsan. C'est exactement ce que ulama sunna ils veulent montrer, et ils appellent en se basant sur les hadiths du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Walakin akthar an-nas la ya'lamun. Qala fa daruratu nasb al-imam أكدها الإسلام لأن من مقاصد الإسلام صنع مجتمع قائم على دين الله يعمر الأرض بالحضارة القويمة كما أراد الله فيجمع مصالح الدنيا والآخرة. C'est ça le but. C'est ça le but d'une communauté, d'un peuple, d'un pays. C'est pouvoir حقق ses مصالح et s'écarter des مفاسد. Et pouvoir profiter des choses bien et s'écarter des choses mauvaises. Enfin, tout ça, ça pourra être le cas s'il y a un imam. Là, si tu délaisses les gens à Kada, c'est pas possible. Comme ça yubayyin, rahimahullah, qala, wa la yakun mujtama'an jahiliyan fawdawiyan. C'est ce qu'ils veulent certains. C'est ce qu'ils veulent certains, que ça soit nos mujtama'at, les pays musulmans, que ça devienne des mujtama'at jahiliyan fawdawiyan. Jahiliyan, sans aucun principe, en s'écartant de la croyance des salafs, Fawdawiyya sans aucun repère. Sans aucun repère. Des manifestations, des rébellions. Vous avez remarqué que le Fawdal-en qu'il y a dans certains pays, c'est à cause de la négligence de ce point de base. À cause de l'Ikhwan et l'Khawarij de notre époque. Tout le temps des manifestations, ils ne sont jamais d'accord. Da'iman al-Fawda. Qala, wa kullu hadhihi al-umur tatawakaf ala wujud imam. Et pour parvenir à cela, avoir une communauté unie avec des règles, même s'il y a des manquements, là, chaque annahu, c'est mieux. C'est mieux que sans autorité, sans gouverneur. Qala fa wujuduhu asasu islah al-mujtama'a. Le mujtama', un pays, un peuple, une umma, elle est fondée sur des principes. Et l'amoud, un des piliers principaux, c'est le gouverneur. S'il n'y a pas de gouverneur, tout s'effondre. Qala. وفي هذا يقول أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. تأمل مثل هذا الكلام من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. lui-même il a été أمير gouverneur. لا يصلح الناس إلا أمير. Les gens ils ne pourront pas être droits, unis, en sécurité, على خير qu'avec un amir, qu'il soit barrun ou fajr. Al-barr, ça vient du mot birr, la piété. Et que ce gouverneur il soit pieux ou que ça soit un fajr. Qala, qalu ya amir al-mu'minin, hada al-barr, fa kayfa bil fajr? Ils ont demandé à Ali radiyallahu anhu, pour le gouverneur al-barr, c'est clair, un gouverneur pieux, c'est clair. Lakin, comment dire un gouverneur fajr, un mauvais, un pécheur? قال إن الفاجر يؤمن الله عز وجل به السبل ويجاهد به العدو ويجيء نعم ويجيء الفي كانه بالفي قال وتقام به الحدود ويحج به البيت ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. Donc Ali رضي الله عنه il a répondu إن الفاجر يؤمن الله عز وجل به السبل. Même si c'est un pécheur, même s'il a d'énormes manquements, On le répète. Tant que c'est un musulman, fihi khayr. Ou alhamdoulillah, l'époque où on vit, dans les pays musulmans, les gouverneurs, c'est des musulmans. C'est ça l'asl. Ou alillahi alhamd. Fali hada, tu trouves hada. La première chose, quand yu'amminullahu azza wa jal bihi subul. Tu peux te déplacer sereinement en paix. Va dans un pays où il n'y a plus de gouverneur, ou après une rébellion, tu ne peux pas te déplacer. Dans certains pays où il y a eu le printemps arabe pendant quelques temps, dans plusieurs villes, plusieurs régions, ils n'ont pas pu faire le hajj. À cause de certains conflits, il n'y a plus de gouverneur. Al-Kuffar, ils en ont profité pour rentrer. Ils ont déstabilisé le wad'a. Wallahi, ba'dhum hatta al-hajj. Ils ne peuvent plus le faire. Ba'dhum, ils ont été privés de visiter parents, enfants, familles pendant un long moment. Les mains les anna, avec l'amir, même si c'est un fajr, même si c'est un voile, même s'il est injuste, tu trouveras de la sécurité. Les gens, ils ont peur de l'autorité. Tu fais telle chose, tu risques la prison. Tu fais telle chose, tu risques le tribunal. Mais il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de gouverneur. Qu'est-ce qui se passe? Chacun fait ce qu'il veut, c'est exactement ce qui s'est passé. Combien de magasins détruits, combien de maisons brûlées, voitures brûlées, combien de vols, etc. Les gens, il n'y a plus d'autorité. قال ويجاهد به العدو ويجيء الفي وتقام به الحدود ويحج به البيت ويعبد الله فيه المسلم آمنا. Avec tout ce que ce amir كذلك il peut mettre en place من إقامة حدود etc. Même si dans certains pays musulmans là chacunه il y a des manques, لكن c'est pas la solution. الخروج même le peu qu'on avait il disparaît, c'est pas la solution. C'est pour ça que un pays stable, tu verras que pour faire le hajj, c'est très simplifié. Wallahi, un pays instable, probablement le hajj, il est annulé. Ça, c'est un exemple que Ali l'a cité. كذلك ويعبد الله فيه المسلم آمنا. Pendant le printemps arabe, dans certaines régions, des masajids ont été fermés. Des couvre-feux instaurés. Le musulman, il ne peut plus adorer Allah subhanahu wa ta'ala en paix. Amma avec un gouverneur, même si c'est un fajr, même si c'est un zalim, tu verras que tu peux aller au masjid, tu peux étudier l'ilm, tu peux faire beaucoup de choses, alhamdoulilah. Et même si tu es prouvé dans certains points, pense à l'maslah al-am. Autre point que certains ignorants ils ne comprennent pas. Ils disent, na'am, vous dites cela, lakin dans certains pays musulmans, ahyanan, il y a des choses, des difficultés, de la répression dans tel point. Même si cela c'est vrai, ça arrive... N'oublie pas le maslah al-am. La solution, ce n'est pas la rébellion. Il y en a avec une rébellion, les choses positives qu'il y avait vont mal disparaître. Et cette chose, cette difficulté, elle va se multiplier par 10 ou par 100 ou par 1000. Hadha al-muslim, il doit regarder très très loin. Vous avez remarqué que Hadha al-bab, il est fondé sur al-masalih ou al-mafasid. Qala rahimahullah, wa yaqul al-imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, لابد للمسلمين من حاكم أتذهب حقوق الناس. الإمام أحمد رحمه الله كذلك il a montré que c'est une obligation. ثم قال أتذهب حقوق الناس رحمه الله il a montré هنا أن حقوق الناس prend مثلا un حق très simple, ta vie, ta maison, tes biens, ça c'est من حقوق, c'est tes droits, personne n'a le droit de te les prendre. S'il n'y a plus l'amir, il n'y a plus d'autorité, tu peux perdre la vie. On peut te prendre ta maison, on peut te prendre tes biens. Et c'est ce qui est arrivé dans certains pays à cause de Rabi' al-Ikhwani. قال وقال أيضا والفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. وقال أيضا نعم والفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. C'est ça le fitna. Un pays sans imam, sans gouverneur, sans autorité. Là, chacun de ce pays est exposé à al-fitna. Une des premières fitnas, ça sera quoi? Anna al-adou, al-kafir, al-mujrim, al-munafir, directement, il attaque ce pays. Regarde ce qui s'est passé fi al-rabi' al-awwal, fi al-rabi' aqsoud al-arabi, ce qu'ils appellent rabi' al-arabi, le printemps arabe. Certains pays, quand ils ont été déstabilisés, le gouverneur, il est tombé, directement, al-kuffar tamakkanou. Directement au nom de la liberté, au nom de la démocratie. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien vu, on voit que du sort, que du mal, que des fitaines, que des guerres, que du sang. L'imam Ahmed, rahimahullah, il avait compris ça. Imam min a'immati sunna. Al-fitna, c'est quoi? Idha lam yakun imamun yaqum bi amri an-nas. Amma se rebeller parce que les prix, ils ont augmenté. Se rebeller parce qu'il y a quelques injustices. Wallahi, c'est pas le hal, c'est pas la solution. Limada li anna, c'est vouloir se débarrasser d'une injustice pour des injustices beaucoup plus grandes. Et c'est ce point, on le répète, que certains, ils n'ont pas compris. Amma sunni, c'est très bien qu'il y a certaines injustices. Ben, il peut en subir. On a un exemple avec l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, il a subi l'injustice du gouverneur. Il s'est fait enfermer, fouetter. On voit ماذا قال, ses paroles sur les gouverneurs. En aucun cas, il a plein la rébellion. Enfin, As-Sunni le sait, il sait qu'il y a des difficultés de l'injustice. Lakin As-Sunni, il se base sur les textes et il regarde loin. La solution, c'est pas la rébellion. La solution, c'est la patience. Et on est fait dunya, ou dunya sujnul mu'min. Et si on peut arranger les choses en conseillant le gouverneur, et avant min dalik wa anfa' ad-du'a, demander à Allah subhanahu wa ta'ala, ou illa si ça dure, on patiente. Et au moins, on n'a pas désobéi au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Qala, wa in aradta an tazdad ma'rifatan li ahamiyati wujud al-imam, fandur ila al-athar al-azim alladhi ja'a an amir al-mu'minin, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu annahu qal, ma yaz'u al-imam akthar mimma yaz'u al-Qur'an. Akhrajahu ibn Abd al-Barr fi al-Tamhid. Si tu veux encore plus comprendre l'importance du gouverneur et pourquoi ne pas se rebeller contre le gouverneur, c'est très très important, ça peut pousser à des choses très graves. Et Kadalek, si tu veux comprendre les mérites, les sagesses, les bienfaits, ta'ammal ce athar de Amir al-Mu'minin, radiyallahu anhu, Uthman. Qala ma yaz'u al-imam akthar mimma yaz'u al-Qur'an. Donc tu as l'imam, tu as le Coran. Fama yaz'u l'imam, c'est plus que mimma yaz'u l'Coran. Ça veut dire quoi? Qal ibn al-Mandhour, ou Qal ibn al-Mandhour, fi lisan al-Arab, un dictionnaire de référence pour les arabophones. Il cite les kalimat et il les explique. Qal ma'na, anna man yakuffu an irtikab al-adha'im makhafat al-sultan akthar mimma takuffuhu makhafat al-Qur'an. Hada, c'est un kalam jamil très simple. Aïe, ça veut dire quoi? Ma yaz'u al-imam akthar mimma yaz'u al-Qur'an. Aïe, les gens, ils ont plus peur du sultan, des autorités, que les ordres et les interdits qu'il y a dans le Qur'an. On peut citer un exemple. Mathalan, fi al-Qur'an al-Karim, l'interdiction de voler. On a beaucoup de ayat. C'est interdit de voler. C'est interdit de boire de l'alcool. Ba'd an-nas, c'est des croyants avec leur foi elle est faible et ils volent et ils boivent de l'alcool. Enfin, ils ne respectent pas cet ordre. Et l'ordre de ne pas boire, l'interdiction de boire, ils ne respectent pas à cause de leur faiblesse. Si ils sont dans un endroit et les autorités ont interdit de boire, ils ne boivent pas. Prends l'exemple de fumer. Les autorités matalan, dans certains endroits, ils interdisent de fumer, dans les trains, dans les gares. Tu trouves personne fume. Dehors, c'est pas interdit de fumer. Tu trouves les gens, ils fument. Pourtant, dans le Coran, dans le Sunna, il y a des textes qui prouvent l'interdiction de fumer. On n'a pas le droit de se faire du mal, etc. Vous avez compris. Donc, le gouverneur, quand il interdit une chose, les gens ils suivent plus les mazas, les anna l'uquba, les anna le châtiment, la punition, elle peut arriver direct. Matalan, si tu fumes dans la gare, tu peux recevoir directement une amende. Amma, si tu fumes dehors, le châtiment, si Allah il le châtie, les anna Allah subhanahu wa ta'ala il peut lui pardonner, ça peut arriver plus tard. Fa li hadha l'insan il se laisse aller. Enfin, on répète. Qala anna man yakuf an irtikab al-adha'im makhafat al-sultan. Donc ceux qui délaissent les interdictions par peur du sultan, akthar mimman takuffuhum makhafat al-Qur'an, ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qui délaissent par peur du Qur'an. Et par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu Allah ta'ala, na'am, makhafat al-Qur'an wa Allah ta'ala. Et là, par peur du Qur'an et d'Allah. Et le Qur'an, c'est la parole d'Allah. Qala faman yakuffuhu sultan 'anil ma'asi akthar mimman yakuffuhu al-Qur'an bil amr wal nahy wal indar. Ça montre l'importance du sultan et du amir. On reprend l'exemple, le vol c'est interdit. Le vol c'est interdit et dans tous les pays, le vol c'est interdit. Les gouverneurs, les autorités font très attention que le vol ça ne se propage pas. Ça peut faire tomber l'économie, ça peut pousser à beaucoup de mal. Donc, tu trouves la plupart des gens, ils ne veulent pas. Prends un pays où il n'y a plus d'autorité et tu verras. Des gens, tu ne soupçonnes même pas qu'un jour ils voleraient. Et Obama, ils peuvent voler. Les Mahdal, il y en a, ce qui les empêchait, c'était la peur de la prison, des amendes, du tribunal. Pas la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça nous montre quoi? Vu que les gens, ils ont beaucoup de faiblesses, beaucoup de manquements, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran avec des règles. Celui qui craint Allah, il observe ses règles, il aura une énorme récompense. Vu que d'autres, la yakhafoun Allah, ou yakhafoun Allah qalilan, ils ont pas de foi, ou ils ont une foi faible, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné d'instaurer un imam pour que les règles soient respectées. Hikmatullah subhanahu wa ta'ala. Bah, est-ce que ça fait partie du bon sens? On parle même pas de... Ça fait partie de notre dîn. Là, je sais que ça fait pas partie de notre dîn de se rebeller contre le gouverneur qui a cette place, qui a cette importance. Même si c'est un injuste, on le répète. قال فمن يكفه السلطان عن المعاصي أكثر ممن يكفه القرآن بالأمر والنهي والإنذار انتهى. ولعل هذا الأثر الجميل هو عمدة الإمام سهل ابن عبد الله التستري عندما قال الخشبات السود المعلقة على أبوابهم أنفع للمسلمين من 70 قاضيا يقضون في المسجد. نعم سبحانك السهل التستري الذي هذا الخشبات السود أي les matraques qui sont accrochées à leurs portes et aux portes des gouverneurs, elles sont beaucoup plus profitables que 70 juges qui jugent les autres dans les messagers. Les gens, ils ont plus peur de la punition du sultan que la punition qui est citée dans le Coran. C'est pour ça que les autorités et le gouverneur, c'est essentiel pour un pays. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-thabat wa al-tawfiq. Risalatun nafi'a jiddan. Donc, nata'awun, celui qui peut traduire des passages et les propager, kadhalik, l'enseigner aux autres, la résumer aux autres, à nos proches. Si les gens, ils auraient accès à hadhihi al-ulum, ils sont tellement firaflash adida, ils savent même pas que ce sujet il a été traité. Ils savent même pas, bardenas, tellement qu'ils sont très très loin, ils savent même pas que l'obéissance au gouverneur, c'est un fondement, c'est une base dans notre aqid. Donc si on expose aux gens le sujet avec mitla hada al-kalam, vous avez remarqué kalam ilmi, qala Allah qala ar-rasoul, et des paroles d'imam, des paroles de compagnons avec walillahil hamd, des mérites clairs, al-aqil il acceptera. Tu trouves katir min al-awam al-an, si on leur exposerait hada al-kalam, ils comprendraient. Il comprendra, il dira, je comprends pourquoi l'un vous dit qu'il faut obéir au gouverneur. Les Nahoum, ils ont une image tellement qu'ils pensent à Dunia, ils pensent que si tu dis obéir au gouverneur, c'est qu'ils te donnent de l'argent. Ah, ou tu n'as pas de courage. Ils ont oublié, ils sont négligents, ils sont insouciants. Ah, Satan à cause de Ahl al-Bida, nuit et jour, dans les médias, dans certains masajid, dans la rue, et ils leur remplissent leur cœur contre les gouverneurs. Falihada kathir min al-nas la yafhamou. Enfin, on a ce rôle à jouer en tant que Ahl Sunnah, en tant que Talabat Ilm, de montrer aux autres Al-Haq. Fa, alhamdulillah, la lecture de cette risala fiha fawaid kathira. C'est un remède bi-idnillahi azza wa jal pour tous ceux qui ont des shubuhat contre les gouverneurs. Shubuhat al-khawarij ou shubuhat al-ikhwan. Al-ikhwan, c'est des khawarij. C'est un remède tayyib. Celui qui veut purifier son cœur contre hadhihi shuba, qui lise ce genre de risala. Mais avant, après la lecture de cette risala, Wahid peut dire mais il a akhri. Vous allez voir, il cite kalamullah, kalam rasoul, et ijma' al-salaf, l'unanimité des salaf. Il reste après cela que l'inad. Celui qui ne veut pas comprendre, celui qui n'accepte pas la vérité, va hada la hila tafih, comme yaqoul. Là, on peut rien faire. À part qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui guide al-muslimin. نكتفي بهذا